إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فاستجابة لدعوتكم على محاضرة في هذا المسجد جئنا إلى هذه أو هذا المسجد نعم، وستكون أو سيكون موضوع المحاضرة يعني أهمية التوحيد وخطر الشرك. Donc, inshallah ta'ala, par réponse de cette association, on remercie l'association, on remercie donc les frères, inshallah ta'ala, qui nous ont invités à cette mosquée. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la bénisse, ainsi que les gens qu'il y a dedans. Qu'Allah préserve ses musulmans et qu'Allah nous préserve tous, pour donc avoir pensé également de bien sur votre frère. Donc je me présente bien sûr, vous avez dû le voir, je m'appelle Ouzaïd Makounias Abou Ishaq, comme ça on fait déjà une présentation. Donc on est venu inshallah ta'ala pour vous faire un dhikr, un rappel sur quelque chose d'important. C'est pas quelque chose d'important seulement, c'est la chose la plus importante. La plus importante chose qui existe dans l'islam est le crime, et le plus grand crime dans l'islam. Les deux plus grandes choses. La plus grande obligation, a'zamul wajibat wa a'zamul muharramat. Et la pire, ou le plutôt le pire des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut savoir, mes frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains ainsi que les djinns, que pour une seule chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour une seule chose, que pour qu'ils m'adorent. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et لِيَعْبُدُونَ معناه العبادة ليوحدون, afin de l'unifier. التوحيد والعبادة ici est mentionné. ومعنى العبادة, le sens de العبادة, et souvent on dit que العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. Ils ont dit que العبادة, l'adoration, c'est une chose, c'est un nom qui englobe tout acte ou toute parole interne ou externe, et qui est une, comment dirais-je, qui est aimé par Allah et que Allah agrée. Exemple, une parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sabbihou, صح? Sabbihou, c'est un ordre d'Allah. C'est quoi? C'est le tasbih, tu dis subhanallah. Donc ça, c'est une parole qui est externe, صح? Est-ce que Allah l'aime? Oui, puisqu'il l'a ordonné. Donc c'est une ibadah. Tout ordre que tu vas voir dans le Coran ou dans la Sunna, c'est une ibada. Foumi Ikhwan, c'est bien compris? Et toute interdiction que tu vas délaisser également, ça va être quoi? Ça va être également une ibada, une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khawf, mathalan. Al-Khawf, maintenant on va le rentrer dans quoi? Dans les actes, dans les paroles, dans quoi? Dans les actes. Sah? Où ça? Interne ou externe? Interne. Ibada ou là? Ibada, dalil. La preuve, le Coran. Taqullah, na'am. C'est le khawf, on a dit. Fakhafouni. Fakhafouni in kuntum mu'minin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné quoi? Le khawf. Idan, Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalaq al khalq illa liya'budu. Hada huwa al gharad min al khalq. C'est ça le but de ta création. Et sache, mon frère, comme tu veux, ce que vous voulez. Hein? Comme vous voulez, s'il y en a qui n'entendent pas. Taïb, c'est bon? Non, c'est bon. Taïb. Baissez comme ça. Bon, ça bouge tout seul, c'est ça, c'est un micro. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains pour une seule chose. C'est quoi? Ah, c'est bon, on m'entend? On va se rapprocher là. Il marche même pas. C'est bon là? Il marche pas? Ah, il n'a pas encore allumé. Là, il est ouvert là. C'est bon. Là, il est allumé là. Non, on va vous crier dessus là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains. Les êtres humains ainsi que les djinns. Pour une seule chose, pour l'ibada. Ma khalaqa hadha al-khalq, Allah n'a créé cette création-là que pour cela. Il y a des gens, masakin, qui cherchent toute leur vie pourquoi ils ont été créés. Certains ne trouvent jamais. Ou plutôt, ils te kabbar. Le haqq, il vient, ils te kabbar. Il dit, moi j'ai été créé pour ça. Là. Sah? D'autres ils disent quoi? Ils disent non. D'autres ils font quoi? Ils se droguent jusqu'à mourir. Pourquoi? C'est ça en vérité. C'est ça qui lui manque, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah. La raison pour laquelle il a été créé. Et t'as des gens, ils vont jusqu'à se suicider. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas pourquoi il est dans cette dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te le dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. هذا يكفيك في شكرك لله سبحانه toute ta vie. Ça, rien que ça, ça te suffit. Pour shukur Allah subhanahu wa ta'ala, toute ta vie. Tu sais pourquoi tu as été créé. Ça, il y a des gens, vous les voyez chercher. Hein, ils cherchent soit, ils cherchent, comment dire, l'agrément, ou l'agrément de ses passions, ou ils cherchent l'agrément de son âme par telle ou telle ou telle chose. Mais wallahi, la joie, il la trouvera que dans quoi? Que dans l'unicité d'Allah. Que lorsqu'il sera muwahhid. Que lorsqu'il dira la ilaha illallah. Que lorsqu'il adorera que Allah seul et unique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains pour cette unique raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ illa liya'budun, les ulama ils ont dit ay liwahidu, yani liwahidu, afin de l'unifier. At-tawhid, ikhwan, faut bien comprendre c'est quoi le tawhid. At-tawhid, c'est l'unicité d'Allah, c'est le fait de rendre Allah unique. Unique, c'est-à-dire tu l'adores, tu fais les adorations que pour lui, tu pries que pour lui, tu na'am tazbah que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu donnes fi sabilillah, tu donnes que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit d'invoquer un autre qu'Allah. Tu n'as pas le droit de donner pour un autre qu'Allah. Tu n'as pas le droit de sacrifier pour autre qu'Allah. Tu n'as pas le droit de faire, comme certains font, des pèlerinages pour autre qu'Allah. Pas des pèlerinages à la Mecque, hein, que tu vas remplacer une personne ou là là. On parle pas de ça. On parle des gens qui vont faire des pèlerinages qui sont dans des autres lieux, comme il y a dans certains pays. Hein, ils ont carrément des endroits où ils vont faire des rites, hein, et des choses où ils vont faire donc un certain pèlerinage qui en vérité n'a rien à voir avec avec l'islam. Et ils vont même te dire que ton pèlerinage, il va être valable que si tu passes par telle ville. Hein? Taïb. Donc mes frères, la ilaha illallah, c'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Qui c'est qui l'a retenu? Ifradullahi bil ibadah. Tu l'as retenu? C'est quoi le tawhid? C'est quoi le tawhid? Non, en arabe, Yahouan, on est des arabes, inshallah, on va tous être des arabes cette nuit-là. Hein? Le din, il est venu en arabe, on va apprendre en arabe. Yallah. Tawhid, c'est quoi? Ifradullah bil ibadah. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ifradullah bil ibadah? Ça veut dire le fait de rendre Allah unique. La na'budu illa iyyah. Voilà. Vous avez compris ça, inshallah, les frères? Taïb. Donc, la ilaha illallah, elle est composée de deux choses. De deux rukun, de deux piliers essentiels. Le premier c'est quoi? La ilaha. Le deuxième c'est quoi? Illallah. Taïb. Le premier tu le retrouves dans la parole de, d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque mécroit au taghout, le taghout certains ont dit c'était shaytan, al-muhim, il y a plusieurs tafsirs dans taghout, na'am. Mais le muhim c'est le shirk. Vous avez compris, inshallah ta'ala, que ça rentre également le shirk. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et il croit en Allah, hein, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, il s'est certes attaché à la lance bien ferme. Donc la ilaha illallah, la ilaha illallah, elle est composée de deux choses. D'abord d'un nafi, d'une négation. Wa thani haish al-ithbat. Al-ithbat qui est quoi? Le fait de raffermir, ou plutôt d'approuver une chose. Vous avez compris? Tu tanfi, yani tu rejettes toute forme d'adoration. Et tu n'acceptes qu'une seule adoration, c'est laquelle? Celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de venir adorer Allah avec un wali, avec un sidi, avec une pierre, avec une tombe. Tu n'as pas le droit d'invoquer une tombe. Tu n'as pas le droit d'invoquer un mort. Tu n'as pas le droit d'invoquer un saint. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit d'invoquer. Parce qu'Allah a dit wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit fad'ouni astajib lakum. Il n'a pas dit fad'ouni wa zidu fulan ou fulan. Là, il n'a pas mis d'intermédiaire entre lui et ses créatures. Taïb. La ma'bouda illallah. Que veut dire la ilaha illallah? La ilaha illallah veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Car le fait que tu as dit qu'il n'y avait pas d'autre adoration à part celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, là, tu n'as donné le haqq de cette ibadah, le droit de cette ibadah, que à qui? Que à Allah. Taïb. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il y en a, ils ont dit la ilaha illallah. Non, c'est pas ça. Il y en a, ils ont dit la ilaha illallah, ça veut dire la khaliqa illallah. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Taïb, pourquoi c'est pas vrai? Allah, c'est lui le créateur. C'est pas complet. Voilà, c'est vrai, mais c'est pas complet. C'est pas pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Parce que les mushrikines, les gens qui étaient au temps du prophète alayhi salatu wassalam, eux aussi ils savaient qu'Allah c'était le créateur. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulun Allah. Si tu leur as posé la question sur qui était leur Seigneur, qui était, ou plutôt qui était le Créateur, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit Allah. Vous avez compris, mes frères? Donc, ce n'est pas le but de savoir qui est ton Créateur, non. Le but, c'est de savoir qui est ton Dieu, qui est celui que tu dois adorer. C'est ça la ma'na de la ilaha illallah. Taïb. Vous allez me dire, oui, tu dis la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Bah donne-moi le dalil, donne-moi la preuve. C'est la question qui vient là. Et c'est quoi la preuve de cela dans le Coran, Yahouan? Hein? C'est quoi la preuve? Regardez, ça c'est a'azam al-wajibat. Ça, ça fait partie de la chose, c'est la chose la plus importante dans l'islam. La chose la plus importante dans l'islam, c'est quoi? C'est le tawhid. C'est est-ce que tu vas être solide? Est-ce que tu vas comment dirais-je, est-ce que tu vas être un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? D'accord? Si tu ne connais pas le sens de cette kalima, ça ne sert à rien que tu continues. Même dans ta lancée, etc. Là, il faut connaître la ma'na de cette kalima. Cette kalima, quand tu connais la ma'na de la ilaha illallah, c'est ça qui va rendre valable et valide tes œuvres. Sinon, la yakhi. Sinon, c'est, il y a dans cela un danger. Taïb. Donc je répète, c'est quoi le dalil, c'est quoi la preuve du Coran qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite d'être adoré, lui et lui seul. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Taïb. Ça, c'est un des dalils. Iyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Mais s'il y en a un qui dit oui, il nous a dit que Allah nous a dit que Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah il nous a dit ça, d'accord. Mais c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Est-ce qu'il y a dans cela une preuve que tu n'as pas le droit d'adorer autre chose? Seul. Seul. C'est toi seul que nous adorons. Aïe wa? Qul huwa Allah wahad. La. La. La. C'est pas ça le dalil. Ça, c'est un dalil pour dire que toi, tu adores Allah seul, certes. Mais c'est lui qui mérite la ibada. Moi, je veux une ayah précise. Laïsa hada. On l'a dit, ce verset. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ghartum? La. La. La. Allah la ilaha illallah, ça donne, oui ça donne, mais ça donne pas le fait qu'il n'y a que lui. Wa abudullah wa la tushrik bihi shay'an, c'est pas sarih sur ça. Oui, tu peux dire ça, mais je veux un verset clair. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Huwa al-mustahaq lil-ibada. Al-haq, c'est le haq d'Allah. C'est ça le droit d'Allah. Vous avez compris inchallah les frères? Dhalika bi anna Allah huwa al-haq. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Regardez Allah comment il a farraq. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ. C'est lui la vérité. Et c'est certes, c'est ainsi. Il est ainsi car Allah est la vérité lui-même et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est quoi? Est le faux. Surat Luqman, le verset 30. Retenez-le. Surat Luqman, le verset 30. Tu le retiens, Yahri. Quelqu'un qui va dire c'est quoi le dalil? Tu dis ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ هُوَ الْمُسْتَحِقِّ لِلْعِبَادَ. لا معبود سواه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وأنما يدعون من دونه. Regardez tout de suite après Allah il a dit et ceux qui adorent en dehors de lui c'est le faux. Mafhoum ya ikhwan? Parce que des ibadat il y en a, des divinités il y en a qui existent dans ce monde. Il y en a ils adorent les vaches, il y en a ils adorent les murs, il y en a ils adorent des tombes, il y en a ils adorent tout. Wallah, il y en a même en Angleterre يعبدون الفرج. تعرفون الفرج؟ Hein? Le sexe de la femme, a'udhu billah, ils l'ont mis hein, sous forme d'or, hein, de statue en or, et ils font des soujouds devant. Ils ont dit parce que ça, c'est l'origine du monde. Chouf. Hein? Subhanallah al-Ali. Chouf et shirk. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, la ilaha illallah, ça veut dire quoi? La ma'bouda bi haqqin illallah. Le dalil, dhalika bi anna Allah huwa al-haq. وأنما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. Il y en a qui ont dit la ma'bouda la ilaha illallah, ça veut dire aussi ça veut dire ikhraj al-yaqin al-fasid wa idkhal al-yaqin al-sahih. Ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est le fait de sortir la mauvaise certitude et rentrer la bonne certitude. C'est qui dit ça? Ah, vous avez vu? Regardez comment ils ont fait la ilaha illallah. Ils ont fait la ilaha illallah avec quoi? En sortant de la mauvaise certitude et en rentrant de la bonne certitude. Moi, je connais qu'une bonne certitude. Je connais pas de mauvaise certitude. Connaissez des mauvaises certitudes, vous? Emma shay haq, emma batil. Sah ou la. Soit la chose elle est vraie, soit elle est fausse. Naam. Bon, après les tafsirat de la ilaha illallah, ils sont nombreuses. Mais maintenant que vous connaissez la ma'na de la ilaha illallah, qui est la ma'bouda bi haqqin illallah, on va continuer, inshallah, sur cela. Taïb. At-tawhid, yekhwan. Comme on a dit, c'est la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé. Mais c'est aussi la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Il a envoyé les messagers que pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on l'unifie, pour qu'on dise Ya Rabbi, la na'budu illa iyyak. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus importante. Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé à toute communauté, toute, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Allah il a envoyé à toute communauté un messager, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, avec l'ordre d'adorer Allah et de ne pas et d'éviter de s'éloigner du taroud, le shirk, shaitan, na'am, ibadat ghayr Allah. Vous avez compris ça, mes frères? Donc ça, c'est la première preuve, la première chose qui nous, après avoir dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, na'am, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi c'est important le tawhid, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé les messagers que pour cela. Adam alayhi salam, quand il est descendu sur cette terre, c'est beaucoup de temps après qu'il soit mort que les gens ont commencé à faire le shirk. Mais entre temps, il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait zina, il y avait la fornication, il y avait le sihr, il y avait l'alcool, il y avait al-muhim, il y avait les choses, les péchés des êtres humains, ils existaient. Walakin, quand est-ce qu'Allah il a envoyé Nuh? Quand il y a eu le shirk. Vous avez compris? Quand il y a eu le shirk, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé qui? Il a envoyé Nuh, alayhi salam, le premier des messagers. Et c'est la da'wa de tous les prophètes. La ilaha illallah. La ilaha illallah, le tawhid, c'est la da'wa de tous les prophètes. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des prophètes qui sont tous partis voir leur peuple en leur disant Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez votre Seigneur et ne lui associez rien du tout. Tous ils ont dit ça, sans aucune exception. Tous. Ça, c'est la troisième ou quatrième raison pour laquelle le tawhid est très important. C'est également une autre raison qui montre l'importance du tawhid. C'est également la chose awwala ma bada'a bihi da'wat ar-rusul. C'est la première des choses par laquelle ils commencent les messagers plutôt leur da'wah. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé Mu'ad ibn Jabal, le sahabi Mu'ad ibn Jabal, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit innaka ta'ati qauman ahl al-kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahada an la ilaha illa Allah. Et dans une autre version, ila an yuwahhidullah. Regardez, tawhid. Qu'ils délaissent leur divinité et qu'ils adorent qui? Allah. Le premier rukun, quand tu rentres dans l'islam, c'est quoi? Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'autre chose qui prouve l'importance du tawhid, c'est, na'am, c'est le fait que at-tawhid, c'est le haqq d'Allah. Le tawhid, c'est le haqq d'Allah. C'est le droit qu'Allah a. Na'am, toi, ton voisin, il a des droits. Ta femme, elle a des droits. Tes enfants, ils ont des droits. Le gouverneur, il a des droits. Les gens autour de toi, même le kafir, il a des droits. Na'am, tu dois être juste avec le kafir. Na'am. Donc, tous ces gens-là, tout le monde a des droits. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un droit. Et son droit, c'est quoi? C'est de l'adorer. C'est le tawhid. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il a posé la question à Mu'ad. Il a dit, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ô Mu'ad, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et ainsi que le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Mu'ad a dit Allah wa rasuluhu a'lam. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wasalam lui a répondu, il a dit haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Qu'il l'adore sans rien lui associer. le pacte des sahaba, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il était construit sur quoi? Il était bâti sur quoi? La première des choses, c'est quoi? Bayi'ouni, faites le pacte avec moi. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit bayi'ouni, et ils ont fait le pacte avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bayi'naka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait le pacte avec toi. Ala alla nushrika billahi shay'a. Donc même la première des choses, quand les sahaba sont rentrés dans le din, sont rentrés dans la religion, le pacte était fondé sur cela, sur le tawhid, sur le fait de ne pas adorer autre qu'Allah. Donc haqqullahi ala al-ibad, c'est quoi? C'est le tawhid, et c'est la raison pour laquelle on a été créé. Et tous ces hadiths là qu'on vient de vous citer, mes frères, c'est un délil, c'est des preuves qui donnent l'importance du tawhid. Naam. Il faut savoir une autre chose avec le tawhid, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait aussi la raison pour laquelle il a purifié Al-Ka'ba. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié Al-Ka'ba. Allah il dit dans le Coran, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَاعِيلِ أَنْطَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ. Regardez ce verset. Et nous ordonnâmes à Ibrahim et à Ismaïl, son fils, de purifier sa maison, yani la, ma maison, c'est-à-dire Allah s'adresse en disant ma maison, Bayti, les ta'ifina, pour ceux qui font le tawaf, wal'akifina, pour ceux qui font l'i'tikaf, la retraite spirituelle, wal'ruka'i sujoud, et ceux qui font, qui se prosternent et qui s'inclinent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, la première des choses qu'il a fait, lorsqu'il est arrivé, et qu'il a fait Fath Mecca, et qu'il a récupéré, donc, Mecca, et que les musulmans ont récupéré Mecca, la première des choses qu'il a fait, c'est quoi le prophète, alayhi salatu wassalam? Il est arrivé, puis Masjid al-Haram, il s'est dirigé vers Al-Ka'ba. Il y avait plus de 360 divinités. Et il les a cassées une par une. En baissant la tête. Il n'est pas rentré comme ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, par fierté. Là, pourquoi? Parce que le Nasr, il vient de qui? Il vient d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wasallam, il est mutawadi', il est modeste. Alors il baissait la tête en rentrant. Il y a des gens, ils ont juste cru, juste en voyant ça. Il y a des gens, des mouchriquins, quand ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam, qui n'est pas rentré comme ça, comme une personne rentrerait lorsqu'il a gagné quelque chose. Naam, tu es fier quand tu as gagné quelque chose, tu es quand même assez fier. Ça, oulala. Là, le prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr, il était heureux, walakin, en baissant la tête. Tawadu'an lillah. Par modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a baissé la tête et il s'est approché. Vers Al-Ka'ba, il a commencé à les casser. À casser ses divinités. 360, ikhwan. Il y en a presque une pour chaque jour. Tous les jours, il y en a une. Ya'buduha. Il les a cassés et il disait, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Il dit, certes, est venue la vérité, le faux, khalas, il est parti. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Donc mes frères, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la première des choses qu'il a faites lorsqu'il est arrivé à Mecca. Il faut savoir également une autre preuve qui prouve l'importance du tawhid, c'est ce hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Selon Ubada ibn Samit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa anna 'Isa 'abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, wal jannatu haqq, wan nar haqq, adkhalahu Allahu al-janna 'ala ma kana min al-'amal. Regardez ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui témoigne la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, que c'est son serviteur et ainsi que son envoyé, et que Isa, vous connaissez tous Isa, Jésus alayhi salam, Abdullah wa rasuluhu, que c'est le serviteur d'Allah ainsi que son envoyé, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, que c'est le verbe ou plutôt la parole qu'il a insufflé à Maryam, na'am, et cette création donc qu'il a mis dans na'am de, sur Maryam, na'am, et non pas son fils comme le dit hein, les Nasara. Wa anna al-jannata haqq, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, celui-là Allah le rentrera fil jannah quoi qu'il ait fait. Regardez, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Adkhalahu Allah al-jannah ala ma kana min al-amal. Ça veut dire, et on dit bien et on répète, que le tawhid c'est la plus grande cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va te faire rentrer au paradis. Ja'alana Allah wa iyyakum minha min ahli al-jannah. Donc tawhid, hein, même si tu as fait des péchés, même si tu as fait des péchés, tu ne dois pas espérer de la miséricorde d'Allah et tu dois toujours te repentir. Voilà qu'il sache une chose, si tu meurs musulman et que tu n'as jamais fait de shirk, et je répète bien, tu n'as jamais fait de shirk, Allah te rentrera au paradis. Même si tu as fait quoi que ce soit. Même le feu de l'enfer, et je dis ça aussi par espoir qu'Allah nous pardonne tous, même le feu de l'enfer, c'est le moins pire pour les musulmans. C'est le moins pire, Irwan. Ça, c'est ni'ma. Ceux qui sont tout en dessous, l'enfer, c'est qui? C'est le munafiqin. Ensuite, il y a des autres étages. On va se passer de les citer. Et ensuite, il y a quoi? Il y a le feu de l'enfer pour qui? Pour tout en haut, yani, c'est pour qui? Pour les musulmans, les muwahhidin. Et Allah va juste les purifier. S'il veut, il leur pardonne. Par rapport au péché qu'ils ont fait. S'il veut, il leur pardonne. Mais s'il veut, il fait quoi? Il les châtie. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va les purifier avec ce adab et après il les rentrera au paradis. Mais nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire rentrer au paradis sans hisab ou la adab. Et qui sont ceux qui vont rentrer sans hisab ou la adab? Le prophète alayhi salatu wassalam en a cité. Il a dit 70 000, 70 alf, yadkhuluna min ummati, bi ghayri hisabin wa la adab. Ils sont riches. Le prophète un jour a dit que il y aura 70 000 personnes de ma communauté qui rentreront au paradis sans hisab, sans compte, wala adab, sans hisab, sans compte, wala adab, et sans châtiment. Ils se sont étonnés. Sahaba, c'est qui ces gens-là? C'est les martyrs, c'est les gens qui ont vécu avec Moussa, c'est les gens qui, etc., etc. Ils se sont posé plein de questions. Hein, ils ont débattu. Pourquoi? Parce que kanu harisin ala al-khayr. Ils recherchaient toujours le khayr, le bien. Alors les sahaba, ils se sont questionnés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a résumé cela en disant que ces gens-là n'étaient pas hein, ceux que tous ont dit. Car ils ont énuméré des choses, les compagnons, mais ce n'était pas cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit humul ladhina la yastarqoun ولا يكتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إخواني في الله, regardez, أعمال بسيطة, des œuvres simples, ولكن ما أعظمها عند الله, qu'est-ce qu'elles sont grandes auprès d'Allah. Et ces œuvres là tu verras, il y a le tawhid dedans, il y a l'unicité d'Allah, il y a une preuve que toi tu es un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yastarqoun, ils ne demandent pas la ruqya. Pourquoi? Parce que ils s'en remettent que à Allah, même quand ils sont malades. Ils vont pas téléphoner à tout le monde. Ils vont pas téléphoner à tout le monde et dire ça y est, j'ai un mal, ça y est, j'ai un sihr, ça y est, j'ai un djinn, et ils pleurent. Là, là, là, là. Hein? Même s'il a été ensorcelé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a été ensorcelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qiyam al-layl. Et il a demandé à Allah qu'il lui montre où ce qu'il était le sihr. Et après Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré avec Jibril alayhi salam, et c'est Ali radiallahu anhu qui est venu le chercher. Et ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoué ce sihr là, hein? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri et on lui a dit qui était celui qui l'a fait. Il a dit ama ana faqad shafani Allah, hein? Il a dit moi pour ce qui me concerne Allah m'a guéri, c'est-à-dire je vais rien lui faire. Andoro ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. Jamais le prophète صلى الله عليه وسلم se vengeait pour son âme. Là, subhanallah. Mais regardez, il est revenu directement à qui? À Allah. Qiyam al-layl. Aujourd'hui, tu viens voir une personne. Parce que le tawhid, c'est une hayat. c'est une vie, hein, c'est une manière de vivre, de revenir toujours à Allah. Hein, qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose, ou à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu reviens à Allah en faisant quoi? De rak'at. Et tu demandes à Allah. C'est une manière de vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, vivait comme ça. Et toute sa vie, c'est du tawhid. Quand il avait faim, il serrait des cailloux sur quoi? Sur sa ceinture. وَيَصْبِرْ فَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Regardez tous ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète عليه الصلاة والسلام. فَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, et de patienter sur cela et d'endurer avec patience sur cela. Pourquoi? Parce que c'était un vrai, c'était lui l'imam al-wahidin, c'était lui, hein, donc l'imam des gens d'Ahl al-Tawhid. Donc regardez, la yastarqoun, il ne demandait pas la ruqya, il n'allait pas la chercher. Wala yaktaoun, il ne pratiquait pas al-kay. Al-kay, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français, hein, la cautérisation. C'est quoi al-kay? Chez nous, ils le font encore. C'est, tu prends un bâton et tu le chauffes, un bâton de fer, et tu frappes sur la blessure. D'accord? Sur la blessure qui te fait mal. Et ça, c'est vrai que ça apaise la douleur. Mais les Arabes avaient une croyance sur ça. Les Arabes, ils avaient une croyance sur ça. Ils disaient, le kay hada, il enlève tout de suite le mal. Vous avez compris? Donc, ils avaient quoi? Un penchant pour cette forme de guérison. Vous avez compris? Et le fait qu'ils ont un penchant pour ça, de guérison, eh ben ça, c'est une forme de faiblesse dans le tawhid. Allah, il veut que quoi? Allah, il veut que tu reviennes à lui dans tout. Yéhouan, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous, on n'est pas en train de dire que là, t'as pas le droit de prendre des asbab ou la haja. Mais si on regarde la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons qui étaient autour de lui, ils n'accordaient pas autant d'importance aux asbab comme l'accordent les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, si c'est pas le meilleur médecin, il y va pas. Aujourd'hui, si c'est pas, hein, le meilleur tobib, etc., il bouge pas. Et si c'est pas les médicaments qui, là, yéhouan, là. Regardez, il faut un minimum de asbab, mais il ne faut pas du roulou, de l'exagération dans quoi? Dans les asbab. Vous avez compris ça, mes frères? Taïb. Alors, un jour, le prophète, une femme, elle est venue. Il dit, ya Rasulallah, inni usra. J'ai des crises. Et disait le ulama que cette femme-là, elle avait un djinn. Elle a dit au prophète, j'ai des crises. Et il m'arrive de sortir et de me déshabiller. Et ensuite le prophète alayhi salatu wasallam a dit in shi'ti sabarti wa laki al janna wa in shi'ti da'awtu Allah laki. Qu'est-ce qu'elle a dit cette femme? Elle a dit ud'u Allah an la atakashaf sa'asbir. Elle a préféré patienter sur ce mal là et dire quoi? Et demander au prophète alayhi salatu wasallam qu'elle ne se découvre pas devant les gens. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il lui dit quoi? Si tu patientes, tu auras quoi? Le paradis. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est interdit, la guérison et la demande de guérison, etc., d'aller chez ton bébé. Mais quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Ou alors, au minimum, tu fais les asbab, mais tu fais quoi? Le vrai moussabbib al-asbab, c'est qui? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que tu dois revenir à lui. Des fois, il y a des gens, ils tournent des années, ils vont aller voir des raqis, des docteurs, etc., etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, wallah, et tu le vois, il fait qiyam al-layl. À la fin, une fois qu'il a tout essayé, il fait qiyam al-layl et il pleure. Il dit, ah, Rabbi, je finis shifa mink. Et c'est là qu'Allah le guérit. Et un cheikh l'islam, il dit, que si, depuis le début, il avait fait le contraire, il serait revenu directement à qui? À Allah. Allah, il aurait déjà enlevé la moussiba qu'il avait. Et ihna ummatna, à notre communauté, elle n'est pas éprouvée par ce genre de choses? Illa man rahima rabbi. Taïd, la yastarqoun, regardez la première chose, la yaktawoun, le kay là, ou la yastarqoun, ou la yatatayyaroun. Et ils ne font pas at-tatayyur. At-tatayyur, c'est quoi? C'est la superstition, c'est les mauvaises augures. Comme on dit un peu chez nous ici, là, hein, la poisse, ça, oh, j'ai vu un chat noir. Aujourd'hui, je vais pas au boulot. Ça, c'est faux comme aqida. Il sort. Les Arabes avant, pourquoi on appelle ça tatayur? Tatayur parce que ça vient de tayr, l'oiseau. Alors il sortait, l'arabe, qu'est-ce qu'il faisait? Il voyait un oiseau et il allait lui par exemple faire une affaire ou aller se marier ou faire quelque chose yani, pour lui. Il voit l'oiseau, il tourne à droite, il dit c'est bon j'y vais. Il s'est envolé à droite, il dit c'est bon j'y vais. Et ensuite, si il s'envole à gauche, il dit ah là là là, le gars est dar. Voilà, je reste à la maison. Vous avez compris? Kanu yatatayaroun. Yatatayaroun. Et ça, c'est les formes de superstition. Vous avez compris? Taïb, aujourd'hui, c'est comparable chez nous à quoi? Oh là là, le chat, il est passé juste en dessous de l'échelle, là. Le chat, il est passé en dessous de l'échelle. Et toi, t'es passé en dessous de l'échelle. Tu vas voir la couesse. Khalas, c'est fini pour toi. Ou alors, je touche du bois. Et le bois, il chine vers le bois. Le bois, tu le brûles. Il est incapable lui-même de se défendre le bois. Je touche du bois, moi. Comme ça, ça me porte bonheur. Mafoum? Ou alors les mains. Les petites mains comme ça, les pendentifs, etc. Ça, ça va me porter bonheur. C'est un sabab. Même le Coran, t'as pas le droit, oui. Même le Coran, t'as pas le droit. Le Coran, il va pas te protéger. Le Coran qui est dedans, dans ton cœur, oui, il va te protéger contre le shaitan. Hein? Walakin, le Coran qui est dans un collier ou attaché, wallah, il va pas te protéger. Et ça, les ulama, ils l'ont interdit. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit, man ta'allaqa tamimaktan, faqad ashrak. Quiconque attache une amulette, hein, faqad ashrak, il a fait du shirk. Qu'il soit du Coran ou autre. Taïb. Voilà, yatatayaroun, et donc ils n'ont pas de superstition, etc. Wa'ala rabbihim yatawakkaloun. Et ils s'en remettent à qui? À Allah, lorsqu'ils sont dans le besoin. Donc regardez, c'est des choses simples. Il demande pas de ruqya, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça. Les choses que tu viens, si tu les as pas fait toute ta vie, et tu remets toujours ta confiance à Allah surtout, Inch'Allah, tu fais partie de ces 70 000. Il y en a, ils ont dit, oh mais 70 000 quand même, je risque pas d'être dedans moi. Subhanallah, qu'est-ce que t'en sais? Déjà premièrement, qu'est-ce que t'en sais? Et deuxièmement, il y a des versions dans les hadiths, ils ont dit, tous les 70 000, il y aura 70 000. Subhanallah adim. As'alallah an yaj'alana min ahlihim. Qu'Allah fasse, qu'on fasse partie de ces gens-là. Comme ça, on se verra là-bas, Inch'Allah, fil akhir. Ah, tu te rappelles quand tu m'avais dit ça? Ça y est, j'ai arrêté de le faire. Ah, je suis plus parti voir depuis ce jour-là. Khalas. Inch'Allah. Taïb. Awwal wajibin ala al-ibad. La première obligation. Hein, la première obligation. La première obligation, les Khouan, c'est le tawhid. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Et donc sache qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Et quoi? Et ensuite Allah, ensuite wa astaghfir li dhanbik, c'est-à-dire implore le pardon de tes péchés. Donc on voit bien que c'est la première obligation. La première chose que tu dois connaître, c'est au moins le premier pilier d'islam. Le premier pilier de l'islam, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. D'accord? Kathirun minan nas, beaucoup de gens pensent comprendre cette kalima, mais fait tadbir, dans l'application, il ne fait pas. Exemple, regarde chez nous. Chez nous, un enfant tombe, ya Sidi Abdel Qadr. Il appelle qui? Il appelait Allah? Non, Sidi Abdel Qadr. Taïb, il a dit la ilaha illallah, voilà qu'il a regardé. Hein? Le tawhid, il est dans son lisan ou pas? Il n'est pas dans son lisan. Beaucoup de gens y pensent. Ou alors, dès qu'il a un problème, il dit, attends, on va aller voir le Qabr al-Fulani chez nous. Hein, je ne vais pas dire de quel pays que je suis, sinon après, on va avoir des problèmes. Chez nous, en tout cas, je dis bien, Taïb, au-dessus des montagnes, il y a des quoi? Il y a des tombeaux, des mausolées, ouais. Des petites maisons. Et je me disais toujours, c'est quoi ce truc? Ils m'ont dit, ah, ça ne faut pas toucher. Ah, attention. C'est qui ça? Attends, attention. Shkoun. Abd. Ils m'ont dit non, c'est une maison, il y a un wali. Je dis le wali, alors il est mort, qu'est-ce qu'il va te faire? Là, lui il entend. Ah ouais, c'est quoi le délai, il entend? Je fais Quran, fais Sunna. Khalle, ba'd. Je fais Quran, fais Sunna, fais kaza. Là, là. Mais lakin huwa aussi, il est qarib min Allah. Qui c'est qui a dit qu'il était qarib min Allah? Moi je connais le Rasoul, si lui il dit lui il est qarib ou il est qarib, mais celui-là, qu'est-ce que j'en sais? Une fois ils ont détoré un qabr d'un wali, soi-disant, ils ont trouvé un squelette d'ahmar. Nahimar, d'anan. Oui, mes frères, ça existe. Allah Musta'an. Donc, il ne faut pas avoir des croyances comme ça. Il ne faut pas avoir des croyances comme ça. Il y en a qui disent stor, attention, il va nous entendre, il va nous faire une misère, il va nous envoyer une éclair du ciel. Subhanallah, c'est devenu Rabbil Alamin. Ikhwan, vous vous en rigolez. Parce que vous ne le savez pas. Mais wallah, il y a des pays où ça, c'est ancré dans les mœurs. C'est ancré fil qulub. C'est pour ça qu'on vous en parle. Wallah, c'est ancré. Il y a une montagne dans un pays, une fois que j'ai vu, un pays du Maghreb, je dis bien du Maghreb al-Arabi, hein, pour ne pas donner encore de pays. Eh bien, wallah, il y a une montagne où ils adorent le djinn. Cham Harouche, ils l'ont appelé. Rien que le nom, tout bizarre. Cham Harouche, et bien, il y a wakada. Allah musta'an. Hein? Ou Sayyida Foulana, ou Sidi Foulan. Hein? Allah musta'an. Il y en a même, le shirk, ça existe même dans des chansons. Tu les entends, ils disent Jitek que sa'aliyat, Sidi al-Houari. Quand on était petits, nous on répétait bêtement Sidi al-Houari. Jitek que sa'aliyat. Ça veut dire quoi? Je suis venu avec les mains vides, Sidi al-Houari. Ça veut dire donne-moi. Ah, le shirk. Et c'est le pire des péchés. Et vous allez voir, là on va citer les choses qu'Allah dit dans le shirk. Et vous allez voir comment c'est grave. C'est la première obligation, le tawhid, mais c'est aussi la dernière obligation. Le prophète, alayhi salat wa salam, avant de mourir, il a dit, il a maudit les gens qui étaient avant lui, comme les communautés. Et ensuite il a dit, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ils ont pris comme quoi? Comme leurs tombeaux, hein, les tombes de leurs saints, plutôt de leurs prophètes, hein, comme quoi? Comme mosquées. Ils ont construit des mosquées dessus. Et ça, c'était juste avant de mourir. Kana fi sarir, alayhi salatu wassalam. Vous imaginez? Il n'y en a pas un qui dit, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait que da'wa fi Mecca. Tawhid. Là, il a fait fi sarir imautihi, même au moment où il allait mourir. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était hazin, il était triste. Il lui dit, qu'est-ce que t'as, ya Rasulallah? Il a dit, Ka'bat al-Yaman. Ka'bat al-Yaman, c'était comme un endroit, une petite maison, où ils faisaient quoi? Où ils adoraient, ils faisaient leur shirk. Et c'était au Yémen. Il a envoyé qui? Les sahaba, ils ont dit, ah, c'est ça qui te dérange. Attends, on va s'en occuper. Et ils sont partis, ils l'ont détruit. Et ils sont revenus. Afara'aytum al-Lata wal-Uzza, wa manata al-Thalithata al-Ukhra, alakum al-Dhakar wa lahu al-Untha, al-Lat. Wal-Uzza, c'était des divinités également. Hein? Et même pendant les guerres, ils disaient quoi, les mouchriquins? Ils disaient Allatu lana, al-Uzza lana, wala uzza lakum. Nous, on a l'Uzza et vous en avez pas. Le prophète, a.s.w., il a regardé les compagnons, il disait Ajibu, répondez. Et là, il a dit Allahumma, ensuite, le prophète, a.s.w., il a dit Qulu, Allahu maulana, wala maula lakum. Allah est notre maître et vous n'avez pas de maître. C'est-à-dire même Uzza, c'est même pas un maître, c'est du vent. Et on va s'en occuper aussi de Uzza. Tiens. On va le nettoyer de l'ard. Donc c'est le premier wajib et c'est le dernier wajib. C'est le dernier wajib, pourquoi je dis que c'est la dernière obligation? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah » Qu'est-ce que tu dois dire, toi, à la personne qui est sur son lit de mort au moment où il va mourir? C'est quoi la dernière parole avec laquelle cette parole-là, il va le faire rentrer fait le Jannah, c'est quoi? C'est la shahada. C'est la ilaha illallah. Et il dit le prophète, alayhi salam, man kana akhiru kalamihi, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, dakhala al-Jannah. Nasallah niyaj'alana min ahliha. Et le prophète, alayhi salam, a dit, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah, dakhala al-Jannah. Celui qui meurt et qui sait qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah, Allah le rentrera fi al-Jannah. Il y en a qui dit, ouais, moi, des fois je peux boire, fumer la cigarette, faire des choses, des petits péchés. C'est pas grave, moi j'ai le tawhid. Ah, ça, attention. On va venir là, ça. Taïb, celui qui a le tawhid, celui qui wahd Allah, vraiment dans son cœur, celui-là en vérité, il peut faire ça? En vérité, yani, c'est un axe, c'est un manque dans son tawhid. Pourquoi? Parce que tawhid, c'est aussi, tu sais que c'est lui qui mérite l'adoration. Donc tu dois l'adorer et tu dois savoir aussi que Allah, c'est lui qui sait tout. C'est lui qui voit tout. C'est lui, il est en train de voir tes péchés, il est en train de faire. Donc, c'est lui qui te dit, oui, moi je fais pas de shirk, ou moi je fais pas de shirk, mais tu fais quoi? Tu fais quelque chose qui va aussi, à l'encontre du tawhid. Hein, pas comme le shirk, mais en tout cas, moins, mais en tout cas, c'est quand même, ça rentre quand même dans le tawhid. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, il ne faut pas venir avec cette shubha, ce doute ou cette ambiguïté shaytaniya, diabolique, hein, pour venir, ah, moi, je ne fais pas de shirk, c'est bon. Hein. Ah non, moi, c'est bon, j'ai le paradis. Là, Eric. Là. Mais, inshallah ta'ala, bien sûr, hein, inshallah, il est fil hisban, celui qui yuwahid Allah, et même s'il a fait des ma'asi. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le tawhid, il faut savoir aussi une chose, c'est que le tawhid, c'est également un sabab, une cause pour qu'Allah te sauve. Allah te sauve dans cette dunya. Un jour, si tu as un problème, yahi, ansahuka bi hadhihi al-kalimat. Bidu'a Yunus alayhi salam. Wa hiya la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Wallahi yahi, fais cette dua. Moi, akhoukum fillah, je l'ai essayé. J'étais dans des situations difficiles dans ma vie. Dès que je faisais cette parole-là, et je me souvenais du hadith du prophète alayhi salatu wasalam qui dit ma da'a biha makroubun illa farraja Allahu kurbata, hein, il n'y a pas une personne qui est en état de difficulté qui fait cette invocation avec cette parole-là sans qu'Allah lui ouvre, hein, cette difficulté-là et lui apaise cette difficulté-là qui est quoi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Yunus alayhi salam, il était dans un. Ils ont fait donc, vous savez comment ça s'est passé à peu près, hein, il fallait que, ils ont fait une, comment on appelle ça, un tirage au sort, et il fallait donc qu'ils sortent du bateau et qu'ils se jettent dans la mer. Il s'est jeté dans la mer, après avoir laissé son peuple, il s'est jeté dans la mer, un poisson l'a avalé. Lorsqu'il l'a avalé, il l'a avalé dans la nuit, ça fait qu'il y avait 3 dholomates. Fanada fi dholomat. Hein? Il l'appela sous les ténèbres. C'était quoi ces ténèbres-là? Zolomat awalan al-batn, le ventre. D'accord? Le ventre du poisson. Imagine-toi, tu es dans le ventre d'un poisson. Subhanallah al-Azim. L'autre chose, c'est quoi? Filma, zolomat al-bahr. D'accord? Tu sais qu'à un certain moment, tu ne vois plus rien dans l'eau. Et ensuite, zolomat al-layl. Imagine-toi dans la nuit et dans quoi? Dans la nuit et dans l'eau. Subhanallah al-Azim. Il a dit la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Et Allah, il a fait quoi? Il l'a sorti. Subhanallah. Donc mes frères, n'oubliez pas que la tawhid, c'est un sauvetage. Najat. Najatun fi dunya. Kadhalika najatun fi l'akhira. Kadhalika fi l'akhira. Même dans l'au-delà. Si ça l'est dans cette dunya, c'est également dans l'akhira. Et vous connaissez tous le hadith. Le hadith où il y aura la balance, il y aura ses œuvres, la personne. Et malheureusement, la balance aura penché du mauvais côté pour lui. Mais ensuite, on lui dira, il te reste quelque chose. Il sortira un registre où il y aura écrit quoi? La ilaha illallah. Et ce registre-là fera basculer toute la balance. Allahu Akbar. Subhanallah, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illa Allah. Ni'ma at-tawhid ya ikhwan. Wallah, c'est une ni'ma. C'est un grand bienfait d'Allah que toi tu sais qu'il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. Ça, ikhwan, il faut savoir une chose, c'est que Allah, il donne la dunya à tout le monde. Kafir ou musulman. Tout le monde. Tawhid, il ne donne pas à tout le monde. Al-Islam, il ne donne pas à tout le monde. Il le donne à une personne où il a vu du khair, Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu thabbitna 'ala al-Islam. Et il faut savoir aussi une autre chose qui prouve l'importance du tawhid, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte aucune œuvre que si elle est faite avec quoi? Avec le tawhid. Hein? Il y a ce hadith où Aïcha pose la question sur Ibn Jid'an. Ibn Jid'an, c'était quelqu'un qui sacrifiait. Il sacrifiait énormément de bêtes. Il tsaddaq biha. Il donnait. Et il faisait aussi silat al-arham. Il faisait aussi le lien de parenté. Le hadith est dans Sahih Muslim. Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. Et elle lui a dit, ya Rasulallah, cet homme-là, il va aller au paradis? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la yanfa'uhu, yani l'amal hada, la yanfa'uhu. Limada? Innahu lam yakul yawman, rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin. Il n'y a pas de tawhid. Il n'a jamais invoqué son Seigneur. Il n'a jamais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. Il n'est pas musulman. C'est un kafir. Et le kafir, il n'est pas mouahid. Parce qu'il est kafir. Il est mouchrik. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, le amal n'est accepté que si il y a at-tawhid, que si la personne elle a compris qu'il ne fallait pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des autres mérites pour le tawhid et on va finir cela, plutôt cette kalima sur l'importance du tawhid, en rappelant une parole qui est importante. C'est cette parole qu'a rapporté Wahb ibn Munabbih et qui nous dit dedans, Wahb ibn Munabbih, il dit, lorsqu'on lui a posé la question sur la ilaha illallah, il a dit alaysa la ilaha illallah, yani, parce qu'il y a des gens ils vont dire oui il faut du amal, oui il faut absolument œuvrer avec cette kalima. Et Wahb ibn Munabbih, on lui a posé la question, il a dit alaysa la ilaha illallah, n'est-ce pas la ilaha illallah miftahul janna. On lui a posé la question comme ça, on lui dit n'est-ce pas la clé du paradis. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite, lui, comment il a répondu? Il a dit qala bala, oui c'est vrai, walakin laysa miftahun illa lahu asnan, il n'y a pas une clé sans qu'elle ait des dents au bout. Naam. Ensuite il dit fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak albab, yani si tu viens avec les clés avec les dents et que tu ouvres la porte, oui là la porte te sera ouverte. Et si tu ne viens pas avec cela, certes, la porte va rester fermée. Donc, la ilaha illallah, c'est pas seulement une parole, c'est aussi des œuvres, et c'est une vie, la ilaha illallah. C'est ta vie, la ilaha illallah. Et cela va nous amener à parler de la chose, le deuxième élément de cette muhadara, de cette conférence, c'est la chose la plus grave. Le péché le plus grave, le crime le plus grave, et qui est le contraire de quoi? Du tawhid, dit tamaman, complet. C'est complètement le contraire de du tawhid. Et c'est quoi? Al-shirk. Al-shirk, ikhwan, le shirk, il faut savoir que le amal, l'œuvre, n'est pas accepté. L'amal n'est accepté qu'avec le tawhid. Et donc il est refusé lorsqu'une personne a fait le shirk. Mais c'est quoi le shirk? Qu'est-ce que le shirk? Le ta'rif, on va vous le donner. Tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit tawhid, c'était quoi? Tu l'as dit tout à l'heure. Ça y est, t'as oublié? C'est pour ça qu'il faut prendre un stylo. Regarde, moi j'ai un stylo et une feuille. Ifrad al-ibad al-illah. Retenez, on répète encore une fois. Ifrad al-ibad al-illah. Là, il est un peu plus long, le shirk. La définition du shirk, c'est un peu plus long. Le shirk, huwa تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Tu peux dire aussi, أن تجعل لله ندا. C'est plus facile. Tu donnes un égal à Allah. Mais celui que je viens de vous dire, également, ces deux-là, ils sont bons. أن تجعل لله Niddan, tu donnes un égal à Allah. Et regardez la définition que je vous ai donnée là. Taswiyatu ghayrillah, le fait de rendre égal autre qu'Allah à Allah dans ce qui lui est propre. Le fait de rendre autre qu'Allah, égal autre qu'Allah à Allah dans ce qui lui est quoi? Dans ce qui lui est propre. Taswiyatu ghayrillah billah bima huwa min khasa'isillah. Ça veut dire que tu rends égal la créature à qui? À Allah dans ce qui lui est propre. Et cela est cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Id nusawwikum bi rabbil alam. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Et par Allah nous étions dans un égarement évident, puisque nous faisions de vous les égaux du maître des mondes. Donc, ces gens-là, ils donnaient un égal à Allah. Ils donnaient un égal à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ce qu'on a cité tout à l'heure, le Sidi qui entend tout, qui sait tout, hein, et qui est dans sa tombe mesquine, hein, hein, ils viennent, ils se disent, ah, attention, cette porte-là, faut pas la toucher. Ah, attention, ce bœuf-là, faut pas le toucher. Ah, faut toujours le nettoyer, etc., etc. Ça, khalas, ils l'ont divinisé. Abaduhu min dunillah. Et avec cela, mon frère, avec cela, tu sais maintenant ce qu'est le shirk. Et il y a une règle très importante à connaître dans le shirk. C'est celui, et on a dit, le shirk, il se divise en combien? Le tawhid, il se divise en combien? Vous le savez tous, normalement. Deux ou trois? Hein? Trois, c'est quoi? Le premier, c'est Rububiya. Le deuxième, c'est Uluhiya. Le troisième, c'est Asma ou Sifat. Rububiya, ça veut dire quoi? Qu'Allah, c'est lui le créateur. C'est celui qui gère ce monde. Yuhyi wa yumit. Yakhluqu wa yuhlik. Wa hakada. Ahimtum? Taïb. Le deuxième, c'est quoi? C'est Al-Uluhiya. Ifradullahi bil-ibad. D'accord? Le troisième, c'est quoi? C'est l'asma ou Sifat. Tout à l'heure, je vous ai dit le tawhid, c'est quoi? C'est ifradullah bil ibada. Pourquoi je vous ai dit que le tawhid, c'est ifradullah bil ibada et que je vous ai pas cité les deux autres? Je te vois, toi, t'es en train de réfléchir. Hein? Pourquoi je vous ai dit que le tawhid, c'est ifradullah bil ibada? S'il y a quelqu'un qui est nabi et qui fait bien attention, tout de suite, ils vont me dire, ouais, c'est vrai, tout à l'heure, tu nous as dit ifradullah bil ibada, les deux autres, là, tu les as oubliés ou quoi? Alors que tu viens. Hein? C'est ça comme Allah. Celui qui a admis qu'Allah, c'est lui son créateur, forcément, il admet les deux autres. Ça, halala. Que plutôt, non, celui qui a admis qu'Allah, c'est lui qui doit être adoré, il a forcément admis quoi? Les deux autres. Qu'Allah, c'est son créateur, que c'est lui qui mérite l'adoration, et que c'est lui qui a les asma au sifat. Vous avez compris ça, inshallah? Tabi, qui mérite les plus beaux noms et les attributs. Celui qui fait du shirk dans un des trois tawhid, il rentre automatiquement les deux autres. On va vous donner un exemple. Il y a un arbre dans un village. Une personne y vient et dit Ya Shajara al-Fulaniya, hein, donne-nous. Taïb. Celui-là, il a fait déjà du shirk dans quoi? Dans du'a. Du'a, c'est une ibadah. Taïb. Maintenant, comment il est rentré dans les deux autres? Il pense que c'est l'arbre qui donne le risque. D'accord? Et il reste quoi? Il reste l'asma ou sifat. Hein? Comment qu'on le rentre là-dedans? Razzaq, oui, mais aussi autre chose. Que il entend. Cette chose-là, il n'entend pas. Allah, c'est lui le Sami'. C'est lui l'alim. Pourquoi Allah souvent nous dit Sami' al-alim, Sami' al-alim? Parce qu'il entend. Il sait tout. قد سمع الله قول التي نعم المجيب aussi le nom المجيب également. Donc mes frères, celui qui fait du shirk, et ça c'est une règle importante, dès que quelqu'un il a fait le shirk sur une seule des trois branches, automatiquement il rentre dans les autres. Et essaye, tu vas voir, fais cette règle, tu vas voir, ça va tomber direct. الدين الحمد لله il est safi, notre religion elle est parfaite, الحمد لله. طيب, donc le shirk, donc ça c'est une chose importante à savoir. La deuxième chose à savoir sur ça, c'est quand est-ce que tu dis d'un amal qu'il est shirk? Quand est-ce que tu dis que ce amal là c'est du shirk? Ah, allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Je viens de finir un petit peu là, hein? Ça, c'est la première des choses. Il a dit quand il est donné à autre qu'Allah. D'accord? Il manque une seule chose. Là, il a donné un seul. Hein? Sur quelque chose que seul Allah peut faire. Non. Adoration, Khalas. Regardez, les deux, ils ont donné. Ta'awunu ala al-birr wa al-taqwa. Chouf. Hada, il a donné une partie, et Hada, il a donné l'autre. Dès que c'est une adoration, ça, c'est la première. Et qu'elle est donnée à autre qu'Allah, ça c'est la deuxième, shirk. Quelqu'un il vient devant un qabr, tu sais pas ce qu'il dit, il est en train de faire ça, il est en train de faire une dua, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il dit là, d'accord? Toi tu viens devant lui comme ça, et tu sais pas ce qu'il dit. Celui-là il a fait du shirk ou pas? Il est devant un qabr, hein? Il a fait du shirk ou pas? On sait pas, il a dit on sait pas. Vous êtes d'accord avec lui? Qui c'est d'accord avec lui? Tous? Attention, il faut être d'accord avec lui là, les frères. Hein? Taïb. Il a dit on ne sait pas. Pourquoi? Parce que je vous ai bien dit. On ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Ça se trouve, il fait du'a, miskin, il est en train de faire du'a pour ce mérite-là, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. À la base, toi, tu rentres dans un cimetière, tu dis, Salamu alaykum al-diyar al-mu'minin, nahnu inshallah bikum al-rahiqoun, nasallah lana wa lakum al-afiyah, wa tamur, wa tamshi. Hada huwa sunnah, sunnah al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Taïb. Hada, il te dit, on ne sait pas. Et c'est vrai. S'il est en train de faire du'a, il se peut qu'il fasse du'a pour Allah, il se peut qu'il fasse du'a pour autre qu'Allah. D'accord? Taïb. Si maintenant tu l'entends dire, si maintenant tu l'entends dire, ya fulan a'tini, ya fulan kada, ya fulan kada. Là c'est quoi? Ça y est, on te pourquoi? Ad-du'a, on a dit, ibada. Et il a donné à autre qui? À autre qu'Allah. Donc il a fait les deux choses essentielles, les deux règles essentielles avec les choses avec lesquelles tu peux savoir c'est du shirk. Vous avez compris ça, mes frères? Hada mafhoum? Jayyid? Khalas? Ah, tayyib. Quelqu'un, il vient devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il s'approche de la tombe. Et tu le vois, il fait ça. Toi, là, je te pose la question à toi. Il vient, il fait ça. Tu n'entends pas ce qu'il dit. Temtem. Comme il dit chez nous. Il est temtem. Qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est un mouchrik, direct. Déjà, il n'a pas le droit de le faire. Parce que les du'a, tu les fais en direction de la qibla et pas en direction des tombes. D'accord? Ça, c'est clair et net. Taïn. Bon. Celui-là, qu'est-ce que tu dis sur lui? Il a fait du shirk ou pas? Tu sais pas? Tu sais pas? Viens de le dire, là, viens l'expliquer. Il a fait du shirk ou pas? Celui-là, là, il a fait du shirk. Il a pas fait du shirk, pourquoi? Tu sais pas ce qu'il dit. Ça? Maintenant, s'il dit, Ya Muhammad, a'tini, Ya Muhammad. Il a fait du shirk ou pas? Alors, là, il a fait du shirk. Si, il a fait du shirk, kif, là. Il a fait du shirk. Pourquoi? Parce qu'il a adoré autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Vous avez compris ça, inshallah? Taïb. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. On l'aime. Alhamdulillah, on essaye de lui ressembler. Et on essaie de tout faire hein, pour suivre sa route. Walakin, la na'abuduhu. La na'abuduhu. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a interdit. Wa'abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Hadihi, tu samma fi l'ughat al-arabiya, ish nakira. Nakira, fi siyaq al-nafi tufid al-umum. Ça, cette parole shay'a, c'est nakira, c'est un mot qui est indéterminé. Et le mot qui est indéterminé, quand il vient dans un contexte de négation, là je vous explique en arabe français, quand il vient dans un contexte de négation, il est général. C'est comme s'il disait, n'adore rien avec Allah. Vous avez compris ça, inshallah? Ni le Rasoul, ni le Malek, ni Jibril, ni Walou. A'abdullah, ish haqqullahi ala l'ibad. Fahimtum hada, ikhwan? Vous avez bien compris ça? Donc maintenant on sait qu'il y a deux choses à ne pas, à bien savoir quand est-ce que yani cette œuvre est du shirk ou pas. Maintenant mes frères, on sait et qu'on a appris ces règles-là dans le shirk, on a appris la définition antaj'ala lillahi lindan wa huwa khalaqak ou alors taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khasasillah et on a dit le dalil de cela, la preuve de cela c'est dans le Coran tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. D'accord. On a vu aussi que le shirk, tu vas juger d'une œuvre, hein, qu'elle est shirk avec deux choses. Si premièrement elle est ibadah, et deuxièmement elle est livrée à autre qu'Allah. Maintenant, qu'est-ce que les avrar, les méfaits ou les effets néfastes du shirk? La première des choses, mes frères, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru shirk. إلا بالتوبة قبل أن يموت وإذا مات على الشرك فإنه يدخل نار جهنم خالدا فيها أبدا أعاذنا الله وإياكم منها قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. La première des choses à savoir, mon frère, c'est qu'une personne qui est morte en faisant le shirk, il ne rentrera jamais au paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Mais plutôt, il rentrera dans le feu. Et il sera châtié à jamais, éternellement. Qu'Allah nous en protège. Le dalil de cela, la preuve de cela, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah, certes Allah, la yaghfiru an yushraka bih. Et certes Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe. وَيَغْفِرُ maduna dhalika liman yasha. Et il pardonne en dehors du shirk, en dehors de cela, à qui il veut. Vous avez compris ça, mes frères? Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc al-farq, la différence entre le shirk et les autres ma'asi, c'est quoi? C'est que celui qui meurt sur une ma'asiya, sur une désobéissance d'Allah, celui-là, il est taht al-mashiyya. Il est en dessous de la volonté d'Allah. Incha'a adhaba wa incha'a ghafara lah. Si hein, il le veut, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne, et s'il veut, il ne le pardonne pas. Il le châtie. Walakin shirk, non. Shirk, il a fait du shirk et il est mort juste après. Et combien de gens, mes frères, ils font du shirk sans le savoir? Moi, une fois, il y avait une personne, il venait juste rentrer dans le din. Il me dit, oh, tout à l'heure, j'ai fait une belle dua. Il était avec moi et tout, il me dit, j'ai fait une belle dua. Et moi, les premières choses que je lisais, c'était ça, tawhid, tawhid. Et il me dit quoi? Il me dit, j'ai fait une belle dua. Je dis, ouais, mais j'espère que tu as demandé à Allah au moins. Comme ça, hein, j'ai dit comme ça, ananiya. J'espère que tu as demandé à Allah. Il me dit, non. Je dis, quoi? Il me dit, oui. J'ai demandé à un ange qui la monte et qui la donne à Allah. Je lui dis, mais toi, mon frère, faut corriger ton islam, là. Je dis, c'est quoi ça? Et aujourd'hui, on a des chouyours qui ont des grosses imams, comme ça, qui sont dans des chaînes télévisées arabes et qui disent quoi? Ya Rasulallah, a'tina. Ya Rasulallah, donne-moi. Subhanallah. Et ça, c'est dans les chaînes de télévision. Les chaînes de Sofia ou Madriyesh. Allah musta'an. Moi, une fois, j'étais fil haram, il y avait du shirk devant moi. Une femme, un homme, afwan, il était avec un groupe, il était avec un groupe, et il disait, Ya Hussein, Ya Fatima, comme ça devant moi. Ne me dites pas que le shirk, ça n'existe pas. C'est un péché qui existe et qui est répandu dans la Ummah. Illa man rahim rabbi. T'arrives, fi maqam Ibrahim, qu'est-ce qu'ils font? Je suis allé dire le cadre. Qu'est-ce qu'il va te faire, ça? Tu viens, tu t'essuies dessus, hein? Ou alors ils arrivent sur le minbar et ils s'attachent dessus. Ah, ils s'arrachent comme ça, dessus. Et il met sa main comme ça, il fait ça, il nettoie. C'est un bout de bois ou là, c'est un bout de. C'est qu'est-ce que ça va te faire? Là, t'barrakbe. Laisse t'barrakbe. Il n'y a pas de recherche de bénédiction dedans. Allah musta'an. Et tu le vois, le shirk. Ou alors, ils pleurent, moi, une fois, je les ai vus devant le cabre du prophète. Ils étaient comme ça, ils avaient mis les mains comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? On dirait, il se confesse. Je dis, oh, ça vous fait rire, les frères, mais Allah, rigolez pas. Moi, je vous dis, rigolez pas. As'alullah al-afiyah. Demandez à Allah qu'il vous protège. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Demande, kalima taquluha, une parole que tu vas dire, c'est du shirk, tu vas rentrer en enfer à jamais, a'udhu billah. Et autre chose, bon, c'est peut-être, je sais, c'est la manière que je raconte, hein, que je fais, je sais que c'est pas voulu, bien sûr. Taïm, mais on s'est compris, yani, hein. As'alullah al-afiyah. Daïman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, fi du'a'i, was'alullah al-afiyah. Et demandez à Allah qu'il vous protège. Et nous, on demande à Allah qu'il nous protège. La deuxième chose qui prouve la gravité du shirk, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a interdit à ce qu'on demande le pardon au mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Ma kana an-nabiyyu wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashab al-jahim." Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset qu'il n'appartient pas au prophète ni aux croyants de demander le pardon et d'implorer le pardon à qui? Aux mushrikeen, même si c'est des gens qui sont proches. Même si c'est des gens qui sont proches de leur famille, min ba'di ma tabayyana lahum, après qu'ils ont vu que c'était des gens du feu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans Sahih Muslim, il dit, alayhi salatu wassalam, ista'adhantu rabbi an azura qabra ummi. J'ai demandé, hein, à mon Seigneur la permission de visiter sa tombe. Fa'adina li, il m'a permis. Et j'ai demandé, est-ce que je pouvais demander le pardon pour elle, et cela il ne me l'a pas permis, cela il l'a interdit. Pourquoi? Parce que sa mère, elle est morte malheureusement, hein, dans le shirk. Ses parents, prophètes, oui, ils sont morts dans le shirk. Attention, mes frères, faut bien comprendre, nous, ce n'est pas une tiqas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, t'as qu'à dire que même le père, même Ibrahim alayhi salam, on l'a naqas en disant ça. Là, on l'a pas blâmé. D'ailleurs, on a blâmé personne, nous. Yani, le prophète Ibrahim alayhi salam, son père c'était Hazar, c'est lui qui sculptait les statues. C'est lui qui faisait les statues. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Vous avez compris? Donc le hadith il est dans Sahih Muslim. Aujourd'hui, t'as des gens, wallahi, je les ai vus, même à la télévision, des chaînes soi-disant de din, ils te disent quoi? Ils te disent non, les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'es fou toi, tu peux pas dire ça, c'est un prophète, etc. Et alors, Ibrahim, c'était pas Sina Ibrahim alayhi salam, c'était pas un prophète? Et Allah il nous a dit que Hazar, hein, qu'est-ce qu'il a dit Hazar à son fils? La illam tantahiya Ibrahim, la arjumannak, wahjurni maliya. C'est lui qui a dit ça. قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était dans le shirk. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, ses parents ils sont morts dans le shirk. C'est vrai, il y a eu un livre qui a été fait de Suyuti, un livre qui dit que il a ramené que des hadiths qui étaient faux. Pour dire quoi? Pour dire que les parents du prophète عليه الصلاة والسلام, ils étaient musulmans. Mais si c'est faux, c'est faux. Le hadith, je viens de vous le dire, il est dans Sahih Muslim. Est-ce qu'il y en a un qui doute dans Sahih Muslim ou dans Sahih Bukhari? Subhanallah al-Azim. On va douter maintenant de ces livres, de ces références qui sont dans l'islam? Allah musta'an. Qu'Allah nous protège de l'égarement, vraiment. La troisième chose qui prouve, hein, l'importance, ou plutôt la gravité du shirk, أن من مات على الشرك فإنه يدخل النار أبد الآبدين أبد الآبدين ولا يدخل الجنة أبدا أعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله nous dit, hein, que celui qui fait du shirk, il ne rentrera jamais au paradis. Et ça c'est la troisième chose qui te prouve la gravité du shirk. Jamais il verra le paradis. Hein? Naam. La quatrième chose qui prouve la gravité du shirk, c'est que le shirk annule les œuvres. Yuhbitul a'mal. Une personne, lorsqu'il fait du shirk, hein, il fait du shirk, son amal il est batil. Khalas, il est annulé. Et ça, bien sûr, le shirk, comme vous savez, il y a du shirk qui est grand. Il y a du shirk qui est petit. D'accord? Le shirk qui est grand, celui-là c'est direct. Il va faire nar jahannam. Celui qui vient, qui demande à autre qu'Allah, hada khalas. Mais il y a un shirk petit, que même toi tu peux faire sans t'en rendre compte. Riya. Riya, l'ostentation. Anta dakhal masjid, sallayt rak'atayn. Shouf wahed ja dakhal masjid. Abdayt zayyin rak'atayn hadi. T'as commencé à faire quoi? T'as commencé à embellir tes deux rak'at. Dès que tu as vu quelqu'un qui est rentré. Écoute, mon frère. Hada la yakhlu min khalat. Min halat. Et ça ne sort pas de ces situations que je vais te citer. Soit shaitan yaghlabak. Soit le shaitan t'a battu. Et du début ou du milieu de ta prière, de par rapport à ce que le frère, quand il est rentré, et toi tu es en train d'embellir ta prière, hein, toi, soit shaitan il t'a battu. Soit shaitan il t'a battu. Naam. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté à embellir ta salat, zayyin salat, li hadha al-shakhs, pour cette personne-là. Et là, cette salat, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah. C'est quoi le téléphone qui vient? Et cette salat-là n'est pas acceptée auprès d'Allah. Vous avez compris? Ou soit tu luttes, tu dis non, Allah, c'est pour toi, ya Rabbi. Dans ton cœur, tu dis c'est pour toi, ya Rabbi, c'est pour toi, ya Rabbi. Et là, inshallah ta'ala, ta salat, elle est acceptée. Ou soit dès le départ tu fais takbir, mais dès le départ, au moment où tu vas faire le takbir, tu fais le takbir, mais tu sais que cette salat là du début jusqu'à la fin elle va être pour cette personne que tu vas zayir. Hada, c'est une forme de shirk fil niyat, dans les intentions. Et pourquoi on dit qu'il est khafi? Quand tu dis le shirk il est asrar, il est khafi, hein, il est caché et il est petit, pour dire, parce qu'il est à l'intérieur du cœur. C'est pas pour dire que c'est pas grave, non. Le petit shirk est plus grave que la zina. Le petit shirk est plus grave que la zina. Il est plus grave que la fornication. Il est plus bas, il est plus grave que boire l'alcool. Il est plus voir. Eh, Juan, nous on n'est pas plus en droit d'avertir notre communauté de ces péchés-là? Hein, du shirk, subhanallah, c'est les choses qui sont sebab que la personne. Il y en a même certains savants qui ont dit shirk al-ashghar, même le shirk ashghar, il est obligé de rentrer fi nari jahannam. Il est obligé de rentrer où? Fi nari jahannam, avant d'aller en paradis. Ça veut dire que même si c'est un musulman qui a fait du shirk ashghar, qui a fait du shirk ashghar, celui-là également, il doit faire un tour. Certains savants, ils ont dit, il doit aller en enfer, et que ça, c'est pas des péchés qui sont sous la volonté de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, sous la volonté, c'est-à-dire, s'il veut, il les pardonne, s'il veut. Non. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la généralité du verset qui dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك اكبر ولا اصغر كيف كيف اسال الله العافيه من الشرك يا اخوان يحبط العمل ça veut dire il annule les œuvres. Ton œuvre, ce que tu as fait, يبطلها. Allah dit dans le Coran, ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et vous savez, il a dit ça sur qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité tous les anbiya dans sourate al-anbiya. Sourate al-anbiya, vous reverrez ce verset-là. Sourate al-anbiya. Il cite Ibrahim, qu'est-ce qu'il était, Zakaria, etc. Et à la fin, il dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا. Et s'ils avaient fait du shirk, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ils auraient, leurs œuvres auraient été annulées. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Il t'a été inspiré, il t'a été révélé à toi, ainsi que les gens qui étaient avant toi. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, si tu faisais du shirk, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, il aurait certes annulé toutes tes œuvres. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, et tu ferais certes partie des perdants. Qu'Allah nous en protège. Et ça, quand il a dit ça au prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, le prophète, et c'est moustahil, c'est impossible qu'il le fasse, mais il a voulu nous dire en vérité, Allah, si un être comme lui le ferait, je lui aurais fait ça. Alors que dire de vous? Que dire de vous? Subhanallah, Ikhwan, je crois que c'est le waqt de la salat, ça? Mada naf'al? Nazid? Parce qu'on va pas qu'il chouïa. Nouassel? Laïsa'a? Parce que peut-être il y en a qui sont pressés pour la prière ou là. C'est bon? Je continue? C'est bon, Azid ou là? Taïb. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est la quatrième chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu, qui prouve la gravité du shirk. La cinquième des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur le shirk que c'était un dhulm azim. قال عن عبده لقمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يقول لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم c'est une grande injustice. الله سبحانه وتعالى a qualifié le shirk de grande injustice, car vous savez tous que les injustices se divisent en trois. Imma an tadlim Allah Azza wa Jal, comme si tu étais injuste envers Allah, et ça c'est lequel? C'est ce qu'on vient de citer, le shirk. Soit tu adlim al-ibad, soit tu adlim quoi? Nafsak. Nafsak. Ou l'ibad, les gens. Si tu adlim nafsak, hada al-asl, la règle qu'il faut que tu saches, c'est qu'Allah, bi'nillahi ta'ala, si tu t'ouvres, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner, bi'nillahi. Taïb. Dhulm al-ibad, Allah peut te pardonner la gravité de ce que tu as fait à telle ou telle ou telle personne. Mathalan, a'oudhu billah, Mohamed, on ne va pas dire Mohamed, on va dire un tel, a volé un autre, a volé Zayd. D'accord? Un tel a volé Zayd min al-Nas. Allah, il peut lui pardonner la gravité du vol. D'accord? Mais l'autre, son haq, il reste. Son haq, c'est-à-dire son droit, il reste dans le sens où tu vas le payer soit fait dunya ou soit fait l'akhira. Et lui, il te demandera haqqo. Sayyutalibu bi haqqihi yawm al-qiyama. Lui va te demander saraqtani, donne-moi tes hasanat et mets-les-moi dans les miennes. Et Allah, il va prendre de ces hasanat et il va les mettre, il va prendre plutôt de ces hasanat, il va les mettre dans celui qui a été opprimé. Vous avez compris ça, inshallah? فهمتم هذا؟ طيب باقي ايش باقي الظلم العظيم يغست لا غراند انجستيس pourquoi c'est une grande injustice الله خلقك الله رزقك اعطاك كل شيء ومن الله من عليك ايش بالدين avec la religion etc الله t'a tout donné dans cette vie et toi tu viens t'adores autre que lui لا والله لا raison bien sûr hein Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr c'est raisonnable hein dans l'esprit des gens qui sont ils ont un esprit saint on dit bien sûr toi ya akhi regarde toi ton fils tu as des enfants on va prendre un mithal avec un waqi' toi tu as des enfants tayib hada tu as toujours tu lui as toujours donné bien hada et hada t'en as trois et il y en a un dès qu'il devient pubère khlas il sent un petit peu d'odeur en dessous de ses bras, il commence à avoir un petit peu de poils dans le visage, hein, khalas, c'est devenu un jeune, comme il dit chez nous, khalas, ajbat ou sahtu, hein, khalas, il est devenu fort, c'est devenu un homme, tu le vois, wesh, qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as papa? Il commence à lever la voix. Comment que tu vas réagir, billah alayk? Si t'as un enfant comme ça, comment tu vas réagir? Tu dis, allez, je vais le tuer, c'est pas ce que je vais lui faire. Toute ma vie, je me casse la tête. Le jour où il est à l'hôpital, c'est moi qui le ramène. C'est moi qui le sors, c'est moi que ça. Toute ma vie, je lui donne, mon frère. ما احد اصبر من الله il n'y a pas plus patient qu'Allah يعصونه il le désobéit c'est Allah il ordonne يكفرون به ليلا ونهارا et il ordonne il n'y a pas plus patient qu'Allah mes frères et lorsqu'il y a un tremblement de terre ou lorsqu'il y a des éclairs qui tombent du ciel ou des vents ou des punitions ça c'est des punitions d'Allah faut pas vous dire comme ils disent certains non c'est la tectonique des plaques ça vous fait rire non c'est la tectonique des plaques non c'est ceci non c'est le vent là le, tu vois le vent un tel en fait il devait passer par là et il t'explique ça par des calculs géographiques etc taïb c'est comme il dit oui la cause de la création de ce monde c'est quoi c'est le bing bang taïb c'est qui a fait le bing bang yallah ma'ak ma'a le bing bang chine ma'a hein, on a marché avec toi c'est qui a fait ça il faut bien quelque chose qui le provoque ça taïb là ah là ça y est c'est fini dès qu'on vient à l'origine de celui qui a fait, là, ah non, yakif. Non, on est encore en train, wallah, une fois j'ai nakash un, il me dit, on est encore en train de chercher. T'es en train d'encore chercher. Kafar, t'as oublié, t'as l'a dit kafar. Vraiment, c'est, khalas, c'est le kufr, c'est le kibr. Subhanallah. Donc, mes frères, hein, ça, c'est quelque chose à savoir. C'est du dhulm. C'est du dhulm d'admettre ça. C'est la pire des injustices. Allah qui te donne tous les jours. Allah qui te donne tous les jours. Et ces gens-là qui désobéissent à Allah, qui disent, c'est comme s'ils disaient, on veut pas de toi, a'udhu billah. Et Allah, il leur donne le ciel, il leur donne le matar, il leur donne le shams. Vous savez que même le shams, si tu l'as pas, eh ben, c'est un adab. Même le shams, là. Si on n'avait pas, c'est un adab. Il y a des choses qu'il faut savoir, même dans le khalq d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si les rayons de soleil ne te touchent pas, hein, tu peux être atteint de maladies graves. Subhanallah adim. Dont une des maladies, c'est quoi? C'est les os qui deviennent mous. Na'am. Subhanallah adim. Donc regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-mun'im, huwa al-khaliq. Et c'est pour ça qu'Allah a dit, le premier ordre, que tu vas lire, tu vas commencer, al-fatiha. Tu vas lire, tu vas arriver à al-baqarah. Le premier ordre d'Allah, c'est quoi? Ya ayyuhan nas. اعبدوا ربكم لماذا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون il nous a rappelé pourquoi on doit l'adorer c'est quoi il nous a créé il nous a tout donné فهمتم يا اخوان اعبدوا ربكم et tout de suite après il nous dit pourquoi الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون donc la raison pour laquelle on عبد الله سبحانه وتعالى c'est parce que c'est lui notre خالق Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir aussi que le shirk c'est grave. Pourquoi? Parce que ça fait partie, c'est le plus grand péché. Le plus grand péché, akbarul kaba'ir. Vous savez que le kaba'ir, anwa'a. D'accord? Il y en a qui sont plus graves que d'autres, les péchés majeurs. Mais le plus grand des péchés, pire des péchés, le pire des crimes, c'est lequel? C'est le shirk. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Bakr, il dit, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاث Il l'a dit trois fois le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit Bala ya Rasulullah, yani akhbirna. Oui ya Rasulullah, dis-nous c'est qui, c'est quoi ce plus grand des péchés. Il a dit ash-shirku billah. Ash-shirku billah. Ash-shirku billah. Yani le prophète alayhi salatu wassalam, ensuite il leur a dit al-ishraku billah et ensuite il leur a dit uquq al-walidain. Pourquoi le walidain? Pourquoi le walidain? Pourquoi juste après shirk wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana dhakara haqqahu subhanahu thumma dhakara ish haqq al walidain. Limadha haqq al walidain maqrun ma'a haqq Allah? Pourquoi? Parce qu'ils t'ont fait grandir plus que ça. Parce que le plus bienfaisant, celui qui t'a fait plus de bien dans cette vie-là, après Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les créatures, c'est qui? C'est tes parents. Et plus particulièrement qui? Ta mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ommok, ommok, ommok, trois fois. Hamalatek, elle t'a porté, elle t'a donné rida' et elle t'a éduqué. Ya wayinana fil ummahat. Wallahi les frères, malheur à nous des fois, astaghfirullah al-azim sur nos mères. Comment c'est grave? Il y a des gens, ils rentrent chez leurs parents, ils les font pleurer. Wallah, pas de respect pour les parents, Allah musta'an. J'en ai vu, wallah, des jeunes de cité, t'as envie de les attraper, qu'est-ce que t'as envie de leur faire? Si t'avais pas peur des fois des choses qui pouvaient arriver derrière. Des enfants, ils insultent leurs parents. Wallah, une fois, un, il regarde sa mère, comme ça. Il insulte sa mère. Subhanallah al-Azim. Wallahi, ça c'est grave. Ça c'est grave. Parce que ça fait pas partie du shukr. Tu shukr shakhs. Ouais, normalement, wallahi, le kelb yushkur. Alfouna, le kelb, le chien, tu lui donnes un truc à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue la queue, il tend la langue. Hein, je vais pas vous le faire parce que j'ai pas envie de ressembler à Hayawan. Et subhanallah, yushkur. La Hayawan yushkur. Et l'abd hada, pourquoi? Parce qu'il a pas de din. S'il avait din, yashkur. S'il avait la religion, yashkur. Sah. Mais le fait qu'il n'a pas de din, il est pire qu'un kilb. Allez voir, vous, maintenant ils font des émissions, comment rétablir quoi? Les liens entre les enfants et les parents. Subhanallah al-Azim. Maintenant ils font des émissions comme ça. C'est normal, ils n'ont pas de din. Sah. Ils n'ont pas de din. Ahna, Allah, il nous a dit, on n'a pas besoin de fête des pères ou la fête des mères. Nous, c'est tous les jours la fête pour eux. Hein, tous les jours, ce qu'ils ont besoin, tu dois être derrière eux, toujours. Tous les jours. Ton père, il t'a demandé, tu viens. Ta mère, elle t'a demandé, tu viens. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Imagine-toi, ce verset-là. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah, subhanahu wa ta'ala? Quand tu vas voir ce verset-là, بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, il a vu une personne tourner autour de la Kaaba. C'était quelqu'un de Minal Yémen. Il avait sa mère sur son dos. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est venu le voir avec qui portait sa mère sur son dos. Il lui a dit, Ara'aytani jazaytuha. Est-ce que tu vois que c'est bon, je l'ai récompensé pour ce qu'elle a fait pour moi? En sachant que cette personne-là, elle l'a porté plus que sa mère, elle l'a porté. Plus de 9 mois, subhanallah, parce qu'elle était handicapée, sa mère, elle n'arrivait pas à marcher. Abdullah ibn Omar, il l'a regardé comme ça, et il lui a dit, et il lui a dit qu'il ne l'avait même pas récompensé d'une contraction. Une contraction, majazaytaha. Tu vois, les contractions, le alam là, ça tu ne l'as même pas récompensé, tellement elle souffre. Il faut les voir, les femmes masakines, quand tahmel et quand elles souffrent pour ça. Hein? Allah musta'an. Al-Ummahat, yakhwan, attention à vos mères. Attention à vos parents. Si vous voulez le Jannah, traitez bien vos parents. Et vous verrez, quelqu'un qui est bien dans le tawhid, il est bien avec ses parents. Quelqu'un qui n'est pas bien avec Tawhid, il n'est pas bien avec ses parents. Allah. Allah musta'an. Et également, il faut savoir aussi une autre chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré un mathal pour dire que la personne ne sera jamais droite dans sa vie si elle n'a pas de Tawhid. La yastaqimu ala tariq. Jamais. Et ça fait partie de la gravité et des méfaits ou des effets néfastes du Tawhid. C'est que la personne, elle n'aura jamais un seul chemin. Elle aura plusieurs chemins. Regardez, des fois, tu entends des gens, ils adorent qui? Ils adorent Isa. Après, ils adorent Maryam. Après, ils adorent quoi? Des statues. Après, ils passent d'un chemin à l'autre. Sah. Mais il n'a jamais un seul chemin. D'accord ? Elle n'a jamais un seul chemin. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de tawhid. Et tout le monde recherche, comme dit Cheikh l'Islam, tout le monde recherche un dieu au fin fond de soi-même. Tout le monde recherche quoi ? Un dieu au fin fond de soi-même. Soit tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit tu ne vas pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas adorer soit ton nefs, ou soit le shaytan. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ضرب لنا مثلا. Allah nous a donné un exemple dans cela. Le pauvre, le mushrik, comme on a expliqué au début de la muhadara, il est da'i', il est perdu. Da'i', perdu, sans repère. وكذلك حائر, il est embarrassé. Regardez autour de vous, regardez les mouchriquines comme ils vivent. On vit dans un bled de mouchriquines, mais sakin, attention, il faut absolument que toi tu leur veux ce bien-là, à l'islam. Il faut absolument que tu ad'ouh ila l'islam, ila hadha al-khayr. Toi, t'as vu comment que t'es bien dans ton cœur dès que t'as découvert qui était Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où t'es venu dans l'islam, etc. Hein? T'as vu comment que t'es? T'as vu comment que t'es murtah fi nafsik? Tu sais pourquoi tu fais les choses. Walakin hadha, il le sait pas. Et toi, tu dois aimer ce khayr-là pour lui. Tu dois aller le voir et tu dois t'kallimuhu bil kalimat. Tu sais, wallahi, le souci, inshallah, il va partir avec quoi? Avec le fait que si tu reviens à Allah, Allah, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et après, c'est facile. C'est facile même de discuter avec eux. Wallah. Une fois, il y en a un, il a parlé avec nous, il dit, moi, je crois pas en Dieu. Pourquoi tu crois pas en Dieu? Taïb, alesh. Bah, moi, je crois ce que je vois. Taïb, ta femme, elle est où, là? Il dit, elle est chez moi. Tu l'as vu? Ah. Là, presque toute sa vie, elle est basée sur ce qu'il ne voit pas. Ça? Presque toute sa vie, 80% de sa vie, elle est basée sur des choses qu'il ne voit pas. Mais allez, le rire, tu le vois? Ah non, je ne le vois pas. Le vent, tu ne le vois pas. Ah, t'as vu? C'est une règle qui est bidon, ça. Les microbes, tu les vois? Hein, taïb. Donc ça, c'est une règle. Et ça, ça a déjà été dit. لن نؤمن حتى نرى الله جهرا. Les Yahoud, Ben Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on ne croira pas jusqu'à ce qu'on voit Allah. A'udhu billah. Ça a déjà été dit, ça. Ça a déjà été dit. Il faut ramener du nouveau, là. Ah, ils sont venus avec du nouveau. Ils ont dit, oui, non, moi, Allah, j'y crois pas parce que il y a des malheurs dans la terre, etc., etc., etc. Taïb. Déjà, c'est grave d'en arriver jusque-là. Yani. Mais cela, tu peux leur répondre aussi très simplement. Exemple. Tu vois les médicaments? Les piqûres. D'accord? Ça fait mal, hein, l'enfant. Quand tu le piques, l'enfant, il crie ou pas? Il pleure. Tu lui fais une prise de sang, là, tu le piques, il pleure. Ça, c'est un mal en lui-même, la chose. Ça, on peut vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Mais c'est un mal en lui-même quand tu le vois. Voilà, qui c'est pourquoi? C'est pour son bien. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai, il a mis des guerres dans le monde, des révoltes, etc., etc. Mais après, c'est pourquoi? C'est pour que les choses, elles changent mieux. C'est pour que les choses tuslah, fil akhir. Vous avez compris ça, inshallah? Ça, vous avez compris, hein? Vous avez compris, c'est pour que les choses, hein? Je dis pas que ce qu'ils ont fait là, c'est bien, attention. Allez pas croire ça de moi. Là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'Allah, il a qadar des choses, hein? Mais nous, on peut pas rentrer dans le pourquoi. Ça, c'est ce qu'on appelle le qadar. Et le qadar, qu'est-ce qu'il dit? Ali, radiallahu anhu, il dit, al-qadar, sirrullah, fala takshifu. Il dit, le qadar, c'est quoi? C'est le secret d'Allah, n'essayez pas de le découvrir. Toi, tu vas rentrer, toi, dans la gestion de qui? De celui qui gère l'univers, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu te mettais à quoi? C'est comme si tu te mettais à son niveau. Et quand tu te mets à son niveau, c'est quoi? Shirk. Vous avez compris ça, inshallah? Hein? Donc attention à ceux qui viennent qui te disent, oui, mais s'il y avait du bien, s'il y avait ceci. T'as, toi, tu tombes malade, mais des fois, quand tu tombes malade, c'est pour ton bien. C'est pour qu'après, t'as plus cette maladie-là. Ça? Donc pourquoi ils arrivent à accepter ces choses-là? Pourquoi ils arrivent à accepter ces choses-là? Et il y a d'autres choses comme ça qu'ils disent. Des fois ils disent, ouais, moi je bois de l'alcool, Allah ghalib, qaddar Allah. Allez, moi je bois, wesh kain. Taïb. Il dit, moi Allah, il a qaddar ça sur moi. Allah, il a qaddar ça sur toi. Taïb, moi ce que je vais faire, je vais te mettre une gifle et je vais dire, Allah, il a qaddar. Sah? C'est ce qu'il a fait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Une fois, il y a un homme, il a volé. D'accord, il a volé. Qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Il a dit, moi j'ai volé. La personne, il a dit, moi j'ai volé. Allah, il a qaddar que j'ai volé. Ah, Allah, il a qaddar. Taïb, Allah, il a qaddar, je vais te couper la main. Rouah. Viens. Allah, il a qaddar que je vais te punir. Vous avez compris, inshallah. Et celui-là, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec lui-même. Cette personne-là. Celui qui dit quoi? Celui qui ahtaj bil ma'asi يحتاج نعم بالقدر على المعاصي. Celui qui prend le décret divin d'Allah, hein, comme preuve, pourquoi? Pour ses désobéissances, pour ses fautes. Celui-là, il n'est pas sincère avec lui-même. Pourquoi? Parce que lui, il va dire, moi, je fais ça parce qu'Allah aime la qadar. D'accord? Dis-lui, d'accord. Alors, moi, si je te frappe, et si je fais quelque chose, tu vas rien me dire, parce que c'est pas moi qui l'a fait. C'est Allah et la qadar. Allah, il va dire, non. Ah, c'est toi qui l'a fait, t'es responsable de tes actes. Ah, ça y est, t'es responsable de tes actes. Taïb, alors, pourquoi t'es pas responsable de tes actes, là? Obouhit. Allah, il n'a plus rien à dire. Vous avez compris? Mais ça, il faut lire, mes frères. Ça, il faut se renseigner sur ça. Ça, il faut apprendre votre croyance, votre aqida. Ça, c'est important. Parce que ça, c'est rentre dans le tawhid. Hein? Al-qadar sirrullah, la takshifu. Le dessein d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est quoi? Hein? Le décret divin d'Allah est un secret. N'essayez pas de le découvrir. C'est comme si toi, tu veux rentrer dans la gestion. Là, où je dakhlik. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'aloun. D'accord? On ne le questionne pas sur ce qu'il fait Allah. Mais c'est nous qui serons questionnés. Et ça, ça prouve quoi? Ça prouve sa grandeur. C'est vrai. Quand tu ne rentres pas dans l'affaire de quelqu'un, ça prouve quoi? Ça prouve que sa grandeur. Et c'est qui mérite plus la grandeur? Rabb al-Alamin. Vous avez compris ça, Inch'Allah, les frères? Tayyib. Alors Allah, il nous donne un mathal, il nous donne un exemple, en disant, pour celui يعني, qui n'a pas de repère, le mushrik miskin, هذا, Allah, lana wa lahu al-hidayah, هذا المشرك, qu'on donne en exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرِ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce mathal, il dit, en effet, celui qui associe à Allah est comme celui qui tombe du haut du ciel, se trouvant en proie aux oiseaux carnivores, et le saisissent, ou qui est précipité par un ouragan vers un lieu perdu. Tu vois, toi, un exemple plus grand que celui-là, quelqu'un qui tombe du ciel et qu'un oiseau l'attrape en plein vol, hein? Ou alors quoi? Ou alors quelqu'un qui est pris par un vent et qui l'amène dans un ouragan et qui l'envoie dans un endroit perdu. Tu vois un exemple plus clair que celui-là, subhanallah. Wallahi, ikhwan, wallahi, ces gens qui font du shirk, hein, ceux-là, wallahi, c'est les gens les plus égarés. C'est les gens les plus égarés, comme je vous ai dit. Il a pas de repère dans sa vie. Il a aucun repère. Quelqu'un qui a pas de repère, ماذا تنتظر منه? Qu'est-ce que tu attends de lui? Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit, هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. Ils se sont sauvés de la chose pour laquelle Allah les a créés. Et c'était quoi? L'adoration, la servitude, hein? Ils se sont sauvés de ça, les mouchriquins. Fabulu, ils ont été éprouvés biraq an-nafsi wa ash-shaytani. Et ils ont été éprouvés par quoi? Par le service ou la servitude de qui? De leur propre âme ou de shaytan. Balagha al-amr, l'affaire a yani atteint un niveau où il y a des gens qui aboutent shaytan. Les satanistes, c'est ça? Hakada? Wallahi ya'budun ash-shaytan ya ikhwan. Yadhbahun lish-shaytan. Vous savez, des fois, il y a des petits enfants qui... Oh, on ne sait plus où est-ce qu'il est. Ça arrive, ça. Dans les enfants, un enfant qui a disparu. Il y en a en ce moment qui disparaissent. Qu'est-ce qu'ils font? Yadhbahunahum lish-shaytan. Ils les découvrent des années plus tard. Madhbouh. Ils trouvent le corps. Madhbouh. Ya'budun ash-shaytan. Alam a'had ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan. Innahu lakum aduun mubin. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Wallah, il y a des gens qui adorent Shaitan. Ils font des séances de spiritisme. Ils viennent avec des verres. Comme ça, ils font tourner des verres. Et c'est les shayatines qui les bougent, bien sûr. Hein? Et dit, tu connais le nom de ma grand-mère? Oui, je le connais, le nom de ta grand-mère. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit qu'on avait tous, hein, un qarin. Un qarin, ça veut dire que c'est un diable qui est avec nous tout le temps. Hein? Wa qala qarinuhu rabbana ma atraytuhu wa lakin kana fi dalalin mubin. Hein, taïb? Baïd, afouane. Et on a tous un qarin. Et c'est ce qarin-là qui donne quoi? Qui sait de ce qu'il sait sur toi? Il est dit à qui? Il est dit à cette, à ce shaitan là qui est en train de jouer avec le verre. Après toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, il connaît le ghaïb. Cet esprit connaît le ghaïb. Ah oui, il connaît le ghaïb. Et après, c'est parti. Il y en a qui vont aller chercher les résultats du bac. Hein, attention que tu sois tenté par ça. Hein, il y en a qui vont aller chercher telle chose et telle chose et telle chose. Et après, il commence. Et après, il lui dit, va. Et eux, ils disent, hein, ce shayatin-là, va faire quoi? Un dhabh. Va casser un œuf. Va sacrifier. Va faire telle chose. Va faire telle chose. Ya'buduna ghayrallah. Ils adorent autre qu'Allah. L'adoration de Satan existe, mes frères. Et tu les vois, des fois, ils sont habillés en tout noir, tout en noir. Ils sont là, ils ont du maquillage. Et... ah, ils écoutent des musiques toutes bizarres. Hein? Allah musta'an. Alhamdulillah, alladhi najjana min hada. Alhamdulillah, qu'Allah nous a préservé de ça. Donc, mes frères, celui qui adore autre qu'Allah, mes frères, celui-là, comme il est dit ici, il est, na'am, mushrik. Kadhalika, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué, il nous a dit que le shirk, c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala va jeter la peur et les soucis dans cette âme qui fait du shirk. Hein? Mab'athun lil makhawif wal awham. Allah subhanahu wa ta'ala va lui jeter les soucis et va lui jeter les peurs, des peurs dans son cœur. Et le mushrik, il ne vit jamais en sécurité. Car son cœur n'est pas en sécurité. Il vit toujours hein, avec les mauvaises augures, avec les superstitions. Hein. Il n'a pas de lieu, comme on a dit, de repère. Voilà, chérie. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ الرُّعْبِ. Allah dit, il jettera hein, et il mettra la frayeur dans le cœur de celui qui a mécru en lui et qui est sorti, yani qui a mécru en lui et qui a fait du shirk. Inch'Allah, on va faire l'Isha. Il y a des gens qui sont âgés. Inch'Allah, on va faire l'Isha. Barakallahu fikum. Tuwadhinoun wa Inch'Allah. Si vous voulez qu'on fasse, Inch'Allah, la fin, juste après, hein, c'est comme vous voulez. Hein, Inch'Allah. Taïb. Donc, on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait la terreur et la peur dans le cœur du mouchrik par ce verset qu'on vient de citer. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des infidèles pour avoir associé des faux dieux à Allah sans aucune autorité. Sans aucune autorité. Sans aucune autorité ne leur soit conférée. Leur destin final sera l'enfer. Quel affreux séjour pour les injustes. Donc mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la peur et la terreur dans le cœur de celui qui ne vit pas sous le tawhid. Et cela fait partie des effets néfastes du shirk. Il faut savoir aussi autre chose, hein, parmi les effets néfastes du shirk, il y a le fait que cela, c'est-à-dire le shirk, apporte le contraire de la izza, c'est-à-dire cela apporte l'humiliation. Donc le shirk apporte bien au contraire l'humiliation à la personne, ainsi que le déshonneur, na'am, et lui enlève comment dirais-je, il efface et enlève toute forme de izzat nafs, c'est-à-dire de dignité et d'honneur. Pourquoi? Parce que la izza, la véritable puissance, le véritable honneur, c'est pour celui qui adore le Seigneur, pour celui qui adore celui qui a créé ce monde, et non pas pour celui qui a fait le contraire et qui a adoré autre divinité. Regardez comme le mushrik est dhalil, regardez comment il est humilié, subhanallah, tu le vois adorer des fois même des statues, des singes, des choses yani, immondes, des fois, comme on a cité de tout à l'heure. Pour vous donner un exemple, où les Arabes, yani, il y avait un Arabi à l'époque, qui s'était étonné d'une chose, c'était le shirk bien sûr, il a vu une statue, et il a vu des offrandes devant cette statue-là. Il a vu un chien alors passer, un animal passer, donc le chien, Et ce chien, il a commencé à manger les offrandes qu'il y avait. Et une fois qu'il a fini de manger ses offrandes, il a uriné dessus. Il a uriné sur l'idole qu'ils idolaient et qu'ils adoraient. Et lui, il a regardé comme ça d'un air. Et c'est ça qu'on faisait. C'est ça qu'on faisait. Hein. C'est ça qu'on adorait plutôt. On adorait quelque chose qui n'avait qui n'avait aucune défense, qui pouvait même pas se défendre d'un chien hein, qui vient, qui mange ses offrandes et en plus qui lui urine dessus. Subhanallah al-Azim. Donc, quand on regarde la vie du mouchrik, en réalité, wallahi, il vit mal. Il vit vraiment humilié. Tandis que le mouahed, il vit et il est fier. Il vit et il a l'honneur. Subhanallah al-Azim. Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ نعم. وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Et Allah nous dit également dans le Coran, il dit وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, c'est-à-dire c'est vous qui avez le dessus, c'est vous qui avez le dessus sur les créatures. Na'am, pourquoi? Parce que toi tu adores Allah wahda et tu ne fais pas de shirk, tandis que les autres ils adorent quoi? Des créatures comme eux. Subhanallah al-Azim. Allah dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, c'est à Allah qu'appartient l'honneur, na'am, l'honneur, la dignité, ainsi qu'à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi qu'aux croyants. Parmi min adrar al-shirk kadhalik, parmi les effets néfastes du shirk, c'est qu'il déchire tous les liens entre les gens. Le shirk déchire tous les liens entre les gens. Yamzuq, hein, wahdat al-bashariyya. Al-shirk huwa alladhi farraqa bayna an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, kana an-nas أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الله سبحانه وتعالى disait que les gens étaient une seule communauté. La communauté d'Adam alayhi salam était une seule. D'accord? C'est quoi qui les a divisés? C'est le shirk. Et le shirk a divisé encore les gens. Celui-là, il a décidé d'adorer ça. Celui-là, il a décidé d'adorer ça. Vous avez compris? Celui-là, jusqu'à ce qu'en Inde, ils ont compté 800 000 divinités. 800 000 divinités. Des gens se sont mis. Ben oui, après, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Le shirk, khalas. Une fois que tu as ouvert cette porte-là, hein, faut pas dire hurriyat li'tiqad. Il ne faut pas dire la liberté des croyances. Non. Il n'y a qu'une seule croyance qu'il faut avoir. C'est quoi? C'est le tawhid. C'est le fait d'unir, d'unifier Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il disait que Adam, ainsi que ses enfants, étaient sur un seul din. Et ensuite, les gens ont divergé. À quel moment? Au moment où Shaitan a insufflé au fils d'Adam de faire quoi? De faire du shirk. De faire du shirk. Et c'est là qu'ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le premier messager qui était Nuh alayhi salam. Il y a un autre exemple également qui nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien, malheureusement, les kuffars, les gens, les mouchriquines sont vraiment séparés, ils sont vraiment divisés, or que les croyants en vérité ils sont unis, dans leur croyance, et normalement ils sont unis eux-mêmes puisqu'ils sont unis dans une seule croyance, tandis que le kafir, le mouchrik, lui bien au contraire, il est égaré et il est éparpillé. Allah nous dit dans le Coran, ضرب الله مثلا رجلين رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Donc Allah nous cite dans sourate Zumar le verset 29, Allah nous dit, Allah cite l'exemple d'un homme tiraillé entre plusieurs maîtres et un autre qui se voue à un seul. Ensuite regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, هل يستويان مثلا, hein, peuvent-ils être considérés comme identiques? Ils ne sont pas identiques, est-ce qu'ils sont égaux? Là, un qui est tiraillé par plusieurs maîtres et un autre par un seul. Vous avez compris? Moi je suis un mouhad, donc j'ai qu'un seul maître, moi j'obéis qu'un seul. Mais hada miskin mouchrik, quand il en a plusieurs, comment il fait? Hein? Il va vouloir avoir l'agrément de celui-là, mais l'agrément de celui-là, il va dépendre que de celui-là, etc., etc. Vous avez compris? Yani le mouchad, peut-être il est éparpillé. Même dans la croyance, même dans la logique, même dans l'aql salim, même dans la logique, il est quoi? Il est perdant. Même dans ça, il est perdant. Et ce mathal, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné pour bien montrer, hein, que s'il y a une personne qui a un abd, par exemple, s'il y a plusieurs maîtres, qu'ils ont un esclave, d'accord? Et qu'il y en a un seul, qui a un seul esclave, c'est clair que celui qui a, que c'est un seul maître et qu'il a plusieurs, plutôt c'est un seul maître, il a un seul abd, c'est-à-dire un seul esclave, et bien cela, la relation va être propre, la relation va être juste et facilitée et droite. Or que l'autre, là, l'autre il est mchettet, il est éparpillé. Hein, plusieurs maîtres, hein, avec un seul, une seule personne, c'est difficile ça. Hein. Regarde, c'est comme si on te disait, toi, t'as quatre patrons. Comment tu vas faire, mon frère? Un matel de dunia, t'as quatre patrons déjà. Un, regarde, ça fait mal à la tête. Hein, alors comment, deux, trois, quatre, comment tu vas faire? Comment? Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala, yudhriba hadhihi al-amthal, bien sûr, pour bien comprendre, inshallah ta'ala, hein, cette chose-là. Il y avait encore, un complément dans cette muhadara, mais inshallah ta'ala, par inshallah, respect de ce qu'on m'a demandé de faire, je vais m'arrêter là. Et inshallah, pourquoi pas finir ça en plusieurs étapes, une autre fois, inshallah, venir vous visiter, car cela m'a fait plaisir de voir ses frères et autant frères, inshallah, wujuh tayyiba. نسأل الله عز وجل أن يجمع هذه الوجوه وأن يجمعنا جميعا في جنته في جنة الفردوس إنه سميع مجيب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. J'espère en tout cas vous avez bien compris le cours, inshallah.